Marcel Schwab, Vies imaginaires. Septima, incantatrice. Septima fut esclave sous le soleil africain dans la ville d'Adrumète. Et sa mère, Amoena, fut esclave, et la mère de celle-ci fut esclave, et toutes furent belles et obscures, et les dieux infernaux leur révélèrent des philtres d'amour et de mort. La ville d'Adrumète était blanche, et les pierres de la maison où vivait Septima étaient d'un rose tremblant. Et le sable de la grève était parsemé des coquilles que roule la mer tiède depuis la terre d'Égypte, à l'endroit où les sept bouches du Nil épandent sept vases de diverses couleurs. Dans la maison maritime où vivait Septima, on entendait mourir la frange d'argent de la Méditerranée. Et à son pied, un éventail de lignes bleues éclatantes s'éployait jusqu'au ras du ciel. Les paumes des mains de Septima étaient rougies d'or, et l'extrémité de ses doigts était fardée. Ses lèvres sentaient la myrrhe, et ses paupières jointes tressaillaient doucement. Ainsi elle marchait sur la route des faubourgs, portant à la maison des serviteurs une corbeille de pain flexible. Septima devint amoureuse d'un jeune homme libre, Sextilius, fils de Dionysia. Mais il n'est point permis d'être aimé à celles qui connaissent les mystères souterrains. Car elles sont soumises à l'adversaire de l'amour qui se nomme Antéros. Et ainsi qu'Eros dirige les scintillements des yeux et aiguise les pointes de flèches, Antéros détourne les regards et émousse l'aigreur des traits. C'est un dieu bienfaisant qui siège au milieu des morts. Il n'est point cruel comme l'autre. Il possède le Népenthès qui donne l'oubli. Et sachant que l'amour est la pire des douleurs terrestres, il hait et guérit l'amour. Cependant, il est impuissant à chasser Eros d'un cœur occupé. Alors il saisit l'autre cœur. Ainsi Antéros lutte contre Eros. Voilà pourquoi Sextilius ne put aimer Septima. Sitôt qu'Eros eut porté sa torche dans le sein de l'initié, Antéros, irrité, s'empara de celui qu'elle voulait aimer. Septima connut la puissance d'Antéros aux yeux baissés de Sextilius. Et, quand le tremblement pourpré saisit l'air du soir, elle sortit sur la route qui va d'Adrumète jusqu'à la mer. C'est une route paisible, où les amoureux boivent du vin de date, appuyés contre les murailles polies des tombeaux. La brise orientale souffle son parfum sur la nécropole. La jeune lune, encore voilée, vient y errer, incertaine. Beaucoup de morts embaumés trônent autour d'Adrumète dans leur sépulture. Et là dormait Phoinissa, sœur de Septima, esclave comme elle, et qui mourut à 16 ans, avant qu'aucun homme eût respiré son odeur. La tombe de Phoinissa était étroite comme son corps. La pierre étreignait ses seins tendus de bandelettes. Tout près de son front bas, une longue dalle arrêtait son regard vide. De ses lèvres noircies s'envolait encore la vapeur des aromates où on l'avait trempée. Sur sa main sage, brillait un anneau d'or vert, incrusté de deux rubis pâles et troubles. Elle songeait éternellement dans son rêve stérile aux choses qu'elle n'avait point connues. Sous la blancheur vierge de la lune nouvelle, Septima s'étendit près de la tombe étroite de sa sœur, contre la bonne terre. Elle pleura et elle froissa son visage à la guirlande sculptée, et elle approcha sa bouche du conduit par où on verse les libations, et sa passion s'exhala. « Oh, ma sœur, dit-elle, détourne-toi de ton sommeil pour m'écouter. La petite lampe qui éclaire les premières heures des morts s'est éteinte. Tu as laissé glisser de tes doigts l'ampoule colorée de verre que nous t'avions donnée. Le fil de ton collier s'est rompu et les grains d'or sont épars autour de ton cou. Rien de nous n'est plus à toi. Et maintenant, celui qui a un épervier sur la tête te possède. Écoute-moi, car tu as la puissance de porter mes paroles. Va vers la cellule que tu sais et supplie Antéros. Supplie la déesse Hathor. Supplie celui dont le cadavre dépecé fut porté par la mer dans un coffre jusqu'à Byblos. Ma sœur, aie pitié d'une douleur inconnue. Par les sept étoiles des magiciens de Chaldée, je t'en conjure. Par les puissances infernales qu'on invoque dans Carthage, Iao, Abriao, Salbaal, Bat-Baal, reçois mon incantation. Fais que Sextilius, fils de Dionysia, se consume d'amour pour moi, Septima, fille de notre mère à Moena. Qu'il brûle dans la nuit, qu'il me cherche près de ta tombe, ô Phoenissa. Ou emmène-nous tous deux dans la demeure ténébreuse, puissante. Prie Antéros de refroidir nos haleines, s'il refuse à Eros de les allumer. Morte parfumée, accueille la libation de ma voix. Akramachalala. Aussitôt, la Vierge emmaillotée se souleva et pénétra sous la terre, les dents découvertes. Et Septima, honteuse, courut parmi les sarcophages. Jusqu'à la seconde veille, elle demeura dans la compagnie des morts. Elle épia la lune fugitive. Elle offrit sa gorge à la morsure salée du vent marin. Elle fut caressée par les premières dorures du jour. Puis elle rentra dans Adrumète et sa longue chemise bleue flottait derrière elle. Cependant, Phoenissa, roide, errait parmi les circuits infernaux. Et celui qui a un épervier sur la tête ne reçut point sa plainte. Et la déesse Hathor resta allongée dans sa gaine peinte. Et Phoenissa ne put trouver Antéros puisqu'elle ne connaissait pas le désir. Mais dans son cœur flétri, elle éprouva la pitié que les morts ont pour les vivants. Alors, la seconde nuit, à l'heure où les cadavres se délivrent pour accomplir les incantations, elle fit mouvoir ses pieds liés dans les rues d'Adrumète. Sextilius tressaillait régulièrement par les soupirs du sommeil, le visage tourné vers le plafond de sa chambre, sillonné de losanges. Et Phoenissa, morte, enroulée de bandelettes odorantes, s'assit auprès de lui. Et elle n'avait point de cervelle ni de viscères, mais on avait replacé son cœur desséché dans sa poitrine. Et dans ce moment, Eros lutta contre Antéros et il s'empara du cœur embaumé de Phoenissa. Aussitôt elle désira le corps de Sextilius, afin qu'il fût couché entre elle et sa sœur Septima, dans la maison des ténèbres. Phoinissa mit ses lèvres teintes sur la bouche vive de Sextilius, et la vie s'échappa de lui comme une bulle. Puis elle parvint à la cellule d'esclave de Septima et la prit par la main. Et Septima, endormie, céda sous la main de sa sœur. Et le baiser de Phoinissa et l'étreinte de Phoinissa firent mourir, presque à la même heure de la nuit, Septima et Sextilius. Telle fut l'issue funèbre de la lutte d'Eros contre Antéros, et les puissances infernales reçurent à la fois une esclave et un homme libre. Sextilius est couché dans la nécropole d'Adrumète, entre l'incantatrice Septima et sa sœur vierge Phoinissa. Le texte de l'incantation est inscrit sur la plaque de plomb, roulée et percée d'un clou que l'enchanteuse a glissé dans le conduit d'élibation de la tombe de sa sœur.